1, 2, 1, 2. Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Les images spectaculaires de l'explosion qui a ravagé la ville portuaire de Tianjin font le tour du monde depuis hier. Mais la Chine est toujours très avare de commentaires et d'informations sur les causes du désastre et sur l'impact que cette catastrophe aura sur l'économie de cette puissance mondiale. Du cyanure dans les nuages. Notre présence sur Terre semble parfois bien fragile. Quand je visionne de telles images d'apocalypse, je rêve de m'installer dans une arche de Noé intersidérale pour coloniser une autre planète. Je suis Yann, journaliste scientifique à Montréal, pressé d'embarquer dans un patrouilleur interstellaire. Hélas, avec les moyens de propulsion actuels, et même en tablant sur un progrès fulgurant, il n'est pas envisageable pour un homme de mon âge de fouler une planète habitable en dehors du système solaire. Réaliser que seuls nos robots ont touché le sol martien et que l'étoile la plus proche du Soleil est tout de même à plus de 4 années-lumière, la bien nommée Proxima du Centaure. La sonde américaine Voyageur 1 navigue à plus de 17 km par seconde. À cette vitesse, il faut la bagatelle de 73 000 ans pour rejoindre le système stellaire de notre proche banlieue, sans garantie d'y trouver un port d'attache d'ailleurs. Ce sont donc les descendants des explorateurs spatiaux qui fouleront l'herbe grasse d'une exoplanète pour mammifères en danger. Je me suis alors demandé combien il faudrait d'humains pour que l'expédition perdure. L'équipage doit être assez nombreux pour échapper à d'éventuels dangers comme les maladies ou les accidents. Et pour que les générations futures soient en bonne santé, j'ai rapidement réalisé que les gènes joueraient un rôle. Après tout, dans la cargaison, en plus des vivres et de l'oxygène, nos ambitieux voyageurs embarqueront leur propre génome. Comment faut-il le composer pour rendre l'expédition viable sur des dizaines de milliers d'années? Il n'existe pas beaucoup de littérature pour répondre à cette question complexe. C'est en pédalant sur le boulevard Chaumedey de Maisonneuve que l'intuition m'est venue. Ce nom, chargé d'histoire, a résonné sous mon casque. Le Québec a été fondé par une petite troupe partie de France. Il doit bien exister des chercheurs qui ont retracé le parcours de ces pionniers. Ce serait un bon indice pour connaître les secrets d'une fondation réussie. Quand j'ai interrogé mes contacts à l'Université de Montréal, un nom est revenu dans toutes les bouches. Hélène Vézina. Hélène Vézina. Cette scientifique qui travaille à Chicoutimi est une spécialiste du développement de la population québécoise. Il semble qu'elle dispose d'un outil hors norme. Donc j'en arrive au fichier Balzac, dont la construction a débuté au tout début des années 70 et qui consiste donc en un fichier de population. Alors le fichier a débuté dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc au point de départ, il ne couvrait que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a donc dépouillé à l'époque tous les actes de baptême, de mariage et de sépulture. Et le principe du fichier de population, c'est que non seulement c'est dépouillé, informatisé, mais tous ces actes-là sont jumelés, sont reliés entre eux, suivant une méthodologie qui a été développée en France, justement, par Louis Henry, un démographe historien, et qui permet de faire donc ce qu'on appelle la reconstitution des familles. Il existe donc un fichier agrégeant et reliant les actes de naissance de la population du Québec. Une aubaine pour étudier l'histoire des familles. J'ai demandé à Hélène comment ce programme baptisé Balzac était né. On est extrêmement chanceux, je dis toujours, on n'a aucun mérite dans ça, c'est que vraiment la France et l'Église catholique avaient un souci de connaître la population qui était ici en Nouvelle-France. Donc, les prêtres avaient la consigne de tenir des registres des différents actes d'état civil. C'est comme ça qu'on était capable d'évaluer la population. Et ça a été très bien fait, très bien tenu. Et en plus très bien conservé. C'est ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui la majorité de ces actes-là. Je ne connais pas très bien la situation de la France, mais je sais par exemple qu'il y a beaucoup d'actes d'état civil qui ont été détruits au moment de la Révolution française. Donc, ils ont peut-être été produits, très bien produits, mais ils n'ont pas été conservés. Les prêtres ont donc tout archivé depuis l'arrivée des premiers Français au Québec. Rares sont les endroits dans le monde qui ont une connaissance aussi précise de la généalogie de la majorité de la population. Comme Hélène me l'a précisé, cet outil concerne essentiellement la confession catholique. Mais la quantité et la qualité des données est suffisante pour étudier le développement d'une population. Même si on veut être très, très spécifique, comme on parle d'actes qui étaient tenus jusqu'à récemment par les prêtres, on parle des actes catholiques, mais qui étaient essentiellement donc les actes des Français qui sont devenus les Canadiens français, mais on a aussi les actes, par exemple, pour les Irlandais catholiques. C'est vraiment la confession religieuse plus que l'origine ethnoculturelle, si je puis dire, qui déterminait le fait de... Et oui, donc aujourd'hui, Balzac contient 3 millions d'actes qui portent sur environ 5 millions d'individus. La généalogie, c'est une bonne base pour comprendre les ramifications d'une population qui s'installe. Dans la dernière moitié du XXe siècle, les sciences du vivant ont mis en lumière l'importance du génome sur notre destinée. Nos gènes, contenus dans notre ADN, en disent long sur la constitution de notre organisme, sur son évolution et sur notre descendance. Cela n'a pas échappé à Gérard Bouchard, l'historien qui a lancé la constitution de Balzac. La partie Saguenay-Lac-Saint-Jean a été complétée vers le milieu des années 80. Et à ce moment-là, Gérard Bouchard avait commencé à développer certains partenariats avec des généticiens de l'Université McGill à Montréal, l'Université Laval à Québec. Et la décision, ils ont commencé à voir le potentiel du fichier pour faire des travaux justement en démographie génétique, génétique des populations, épidémiologie génétique, c'est-à-dire de mieux comprendre les maladies génétiques à l'aide des données contenues dans le fichier. Et à ce moment-là, la décision a été prise d'étendre le fichier à l'ensemble du Québec. Donc, le fichier couvre aujourd'hui toutes les régions du Québec. Donc, nous bénéficions d'un fichier couvrant tout le Québec qui retrace la généalogie des Canadiens français. Les généticiens puisent dans cette manne pour étayer leurs recherches. Cette discipline s'appelle la démographie génétique. C'est une spécialité de notre province, reconnue dans le monde entier. Hélène nous donne deux raisons majeures pour cela. La démographie génétique, c'est quelque chose qui est particulièrement, aisé et agréable de pratiquer au Québec pour un certain nombre de raisons, deux principalement. La première, c'est qu'on dispose de données formidables pour faire des études, des données qui se retrouvent dans un certain nombre de fichiers, mais en particulier dans le fichier de population Balzac, puis aussi à cause d'une caractéristique de l'histoire du peuplement du Québec qu'on appelle l'effet fondateur. Donc, j'en arrive à ce terme-là. L'effet fondateur, en fait, c'est un concept qui est assez simple. C'est un phénomène migratoire. On dit qu'il y a un effet fondateur quand il y a dans une population, qu'on appelle la population mère, un groupe d'individus, généralement de taille assez restreinte, qui va quitter la population et qui va faire une migration, qui va s'installer sur un nouveau territoire pour former une nouvelle population. C'est pourquoi on appelle ces populations-là des populations à effet fondateur. Alors, le Québec est un exemple de population à effet fondateur. Ici, vous pouvez penser que la population mère, c'est essentiellement la France. Mais au 17e, 18e siècle, on a un certain nombre de Français qui ont quitté la France, donc, et qui sont venus s'installer ici en Nouvelle-France pour former une nouvelle population. Et nous voilà 400 ans plus tard, et le Québec est une population à effet fondateur. Effet fondateur. Il y aurait bien une conséquence génétique pour les descendants des pionniers venus s'installer dans un nouveau territoire. La cible initiale de mon reportage se rapproche. Les gènes ont bien leur mot à dire. J'ai demandé à Hélène qu'elle me donne plus de précisions, car j'avais l'impression d'être devant ma pièce à conviction. Bon, l'effet fondateur, je vous ai décrit ce que c'était. Maintenant, on se dit, que se passe-t-il? Mais encore, là, la population est formée. Est-ce qu'il y a des conséquences à ce mode de formation des populations? La réponse est oui. Donc, on sait, puisque on a dit que c'est un petit nombre d'individus qui avaient quitté la population mère, on dit que leur composition génétique, leur pool génétique, est différent de celui de la population mère. Les pionniers ont embarqué avec leur ADN. La représentation génétique de la population est donc différente de la population mère. Il s'agit maintenant de connaître la nature des conséquences. La première observation qu'on fait de des conséquences de cet effet fondateur, c'est que les cliniciens, évidemment surtout à partir du 19e, 20e siècle, vont observer un nombre plus élevé qu'attendu d'individus qui sont atteints de certaines maladies héréditaires. Et ça attire l'attention, effectivement. En général, quand on observe ça, les deux principales questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des phénomènes de consanguinité qui sont plus répandus qu'ailleurs? Est-ce que les gens ont des pratiques matrimoniales, des façons de choisir leur conjoint qui font en sorte que les conjoints sont plus apparentés que ce qu'on observe dans d'autres populations, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il y a un effet fondateur qui est un peu la même chose, c'est-à-dire que les conjoints seraient plus apparentés que ce qu'on peut observer dans d'autres populations, mais cette fois-ci, ce ne serait pas lié à des spécificités en matière de choix du conjoint, mais c'est plutôt lié justement à l'histoire de population qui se caractérise par un effet fondateur. Les cliniciens observent au Québec un nombre surprenant de maladies génétiques héréditaires. Certaines sont même identifiées uniquement dans des régions spécifiques de la province. Ce genre de constatation soulève des questions sur la population et ses pratiques matrimoniales. La consanguinité, qui consiste à rapprocher deux partenaires génétiquement trop proches, augmente le nombre de maladies génétiques. C'est le premier soupçon qui a pesé sur ces régions du Québec concernées par les maladies. Le Saguenay, Lac-Saint-Jean, présente des caractéristiques démographiques et génétiques qui lui sont propres, notamment un certain profil de maladies héréditaires qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans les autres régions. Et malheureusement, c'est peut-être même une des conséquences d'avoir tant fait de travaux de recherche, il y a une espèce de mythe qui s'est développé au sujet de la région, disant qu'il y avait plus de maladies héréditaires que dans les autres régions du Québec et que c'était parce que, comme c'était une région plus éloignée, plus excentrée, il y avait plus de consanguinité et que c'est... Et pourtant, les chercheurs avaient démontré de diverses manières que c'était pas ça, mais c'est quelque chose qui s'entendait beaucoup et qui, malheureusement, continue à s'entendre. Alors, encore une fois, avec mon collègue Marc Tremblay, on avait eu l'idée de comparer la consanguinité qu'on observait dans les diverses régions du Québec, d'une part, et d'autre part, en reconstruisant en calculant la consanguinité à partir des généalogies, vous pouvez calculer la consanguinité à divers niveaux de profondeur, ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez décider de prendre simplement les 3 ou 4 premières générations d'ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et mesurer la consanguinité. Il y a une formule mathématique qui nous donne ce qu'on appelle le coefficient de consanguinité, et c'est ce qui nous permet d'avoir une valeur pour comparer d'une région à l'autre. Mais conceptuellement, la consanguinité, c'est assez simple. Un individu est consanguin, va avoir un coefficient de consanguinité non nul s'il a au moins un ancêtre commun qu'il a reçu de son père et de sa mère. Donc, ça veut dire que son père et sa mère partagent au moins un ancêtre commun dans leur généalogie. Alors, si vous prenez les 4 premières générations d'ancêtres, vous calculez le coefficient pour ces générations-là, c'est ce qu'on appelle la consanguinité proche. Donc, l'ancêtre n'est pas très éloigné dans l'arbre généalogique. Si vous prenez 8, 10, au Québec, souvent, on est capable de monter à 12 ou 13 générations. On remonte jusqu'aux premiers arrivants en provenance de France ou d'ailleurs. Là, on calcule ce qu'on appelle la consanguinité éloignée. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ça s'appelle encore de la consanguinité, mais ça ne s'explique pas du tout par la même chose. Balzac est un outil idéal pour vérifier ce genre d'hypothèse. Hélène s'est chargée d'étudier scientifiquement cette consanguinité. Comme elle l'évoque, elle peut être proche quand elle concerne deux cousins germains, ou éloignée quand elle entremêle des ancêtres communs dans les généalogies. Mais si on prend deux personnes qui sont d'origine canadienne-française ici au Québec, on l'a mesuré, il y a à peu près 98 % de chances qu'ils partagent au moins un ancêtre commun dans leur généalogie. Mais c'est souvent à 9, 10, 11 générations, on ne le sait absolument pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la consanguinité éloignée. Bref, on a calculé ça pour toutes les régions du Québec et on a obtenu exactement le résultat auquel on s'attendait, c'est que premièrement, la consanguinité proche, il n'y a nulle part au Québec où elle est très élevée, parce que l'Église catholique, vous le savez, n'encourageait absolument pas ça. Il fallait demander une dispense, c'était très compliqué. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était observé couramment. Au Saguenay, non seulement ce n'était pas plus élevé qu'ailleurs, mais c'était même un peu plus faible que bien d'autres régions. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui est important, parce que c'est faible partout. Mais c'est en tout cas pas plus élevé. Par contre, là où on observait des différences d'une région à l'autre qui relèvent justement de cette régionalisation de l'effet fondateur, c'est qu'il y a des régions où, effectivement, la consanguinité éloignée est pas mal plus élevée que dans d'autres régions où elle est plus faible. Et globalement, parce que plus vous allez à une échelle géographique fine, plus on peut apporter des particularités, des nuances à ce qu'on avance, mais essentiellement, on peut parler d'une espèce de gradient allant de l'est vers l'ouest. Dans les régions de l'est du Québec, principalement dans le nord-est, la consanguinité éloignée, celle qui relève de l'histoire de la population, est généralement plus élevée que celle qu'on observe dans l'ouest de la province, où justement, il y a probablement eu plus de mouvements de population. On sait qu'à l'intérieur du Québec, les migrations se sont faites beaucoup au 19e siècle, 20e siècle, des campagnes vers les villes, des régions de l'est vers les régions de l'ouest. Donc, tout ça influe sur les mesures qu'on peut faire. Alors, nous, on considérait qu'on avait démontré que ce mythe de consanguinité était totalement faux, mais encore une fois, malheureusement, on entend encore parfois des choses là-dessus, mais au moins l'étude est là, elle est publiée. Les Québécois partagent des ancêtres dans leur arbre généalogique. Mais pas un seul instant, la consanguinité proche n'a eu cours dans l'histoire. Hélène et ses collègues chercheurs ont justement utilisé le fichier Balzac pour le démontrer. C'est un résultat important qui a permis à la communauté scientifique de se pencher sans ambiguïté sur la véritable source des maladies génétiques, l'effet fondateur. Un petit nombre de colons a quitté la population mère et a emporté son bagage génétique sur les terres de la Nouvelle-France. C'est un premier élément déclencheur de l'effet fondateur. Mais comme nous le verrons dans le prochain épisode, ce genre de phénomène repose aussi sur des facteurs sociaux et historiques. Il nous faut donc remonter le fil du temps et connaître l'histoire de l'implantation. C'est ce que nous tâcherons de faire en compagnie d'Hélène et d'autres chercheurs dans le prochain épisode. Maintenant, c'est sûr, le Québec est le laboratoire idéal pour traquer les effets génétiques induits par la colonisation d'un nouveau territoire. Avant d'embarquer dans l'Arche de Noé intersidérale, voyageons donc dans notre belle province.